Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine qui va être plutôt passée sous le signe de la pluie. On en reparlera bien évidemment tout à l'heure dans le point météo. Allez, en ce lundi 3 décembre, nous souhaitons une bonne fête au François-Xavier. Ça vient du latin libre et du basque Maisonneuve. François-Xavier est un homme introverti, secret et réservé qui tente à se préserver du monde qu'il redoute quelque peu. Souvent timide, sa sociabilité est indissociable d'un certain élitisme. François-Xavier préfère être seul plutôt que mal accompagné. C'est un homme cérébral, enclin aux spéculations de l'esprit, facilement inquiet et tourmenté, pessimiste devant la vie qu'il juge d'emblée inquiétante. Pragmatique et rationnel, il a besoin de se rassurer et animé par une certaine méfiance instinctive. Cependant, c'est quelqu'un de sérieux sur qui l'on peut compter. Il possède une bonne moralité et à l'écoute des autres. S'il vit son ombre actif en deux, il se montrera sensible, impressionnable et recherchera surtout la sécurité. Affectif, tendre, réceptif aux autres, il tente avant tout à se protéger, à se préserver des problèmes ou des difficultés qu'il redoute. Ainsi préférera-t-il une vie bien organisée, voire un peu monotone. Mais la métamorphose étant toujours possible, il peut aussi vivre son ombre actif en 11 et acquérir une certaine force morale et physique, un ascendant sur les autres en concrétisant ses aspirations élevées, souvent humanitaires ou sociales, développant intuition, sens psychologique et inspiration. Le temps est toujours avec lui et s'il se montre tenace et persévérant, il récoltera le fruit de ses efforts. Mais le revers de la médaille sera sans doute un climat de grande tension nerveuse. Sous l'influence de son maître nombre, il tente en effet à tout porter sur ses épaules, ce qui pourrait le rendre au fil du temps moins tolérant, plus impatient ou même fatigué. Dicton du jour, avant fleurie, abondance de fruits. Célébration internationale aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées, journée internationale de la langue basque et en Amérique latine, c'est la journée du médecin et de la médecine. Et dans les événements qui se sont déroulés un 3 décembre, en 1818, l'Illinois devenait le 25e État des États-Unis. En 1887, Sadi Carnot était élu président de la République française. En 1947, c'était la première d'un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. Et en 1984, c'était la première publication du manga Dragon Ball dans le Weekly Shonen Jump. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec John Scatman et le titre Scatman. I'm a Scatman. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat diseases if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. My message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Ba-da-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da-ba-wee, ba-ba-ba-da Where's the scat man? Skatman de Skatman, hein, tout simplement sur RGM, un bon son qui nous rappelle hein, les années 90, hein, Skatman, oui, c'est à peu près ça. Et il est bien un peu plus de 8h37, on est toujours dans la matinale et on parle anniversaire. Il s'en est un 3 décembre 1930, naissance de Jean-Luc Godard, réalisateur français de À bout de souffle, masculin, féminin, adieu au langage, récompensé par le Festival de Cannes 2014 par le prix du jury. Le livre d'images récompensé au dernier Festival de Cannes par la Palme d'Or spéciale et également un prix pour l'ensemble de son œuvre. 1948, naissance de Diane Curis, réalisatrice, actrice française. Alors, qu'on a pu voir dans Poil de carotte, la série Les Brigades du Tigre ou encore Commissaire Moulin, réalisatrice de Diabolomante, Cocktail Molotov ou encore Un homme amoureux. 1953, naissance de Robert Guédiguian, réalisateur français des films L'argent fait le bonheur, Marius et Jeannette, Les neiges du Kilimandjaro ou encore Au fil d'Ariane. 1960, naissance de Daryl Hannah, actrice américaine vue dans Blade Runner dans le rôle de Pris, Wall Street dans le rôle de Darian Taylor, Les Grincheux 1 et 2 dans le rôle de Melanie Gustafson, Kill Bill volume 1 et volume 2 dans le rôle de Elle Driver ou encore la série télé Sense 8 dans le rôle d'Angelica. C'est également l'année de naissance de Julianne Moore, actrice américaine vue dans Shortcuts, Le Monde Perdu du Jurassique dans le rôle de Sarah Harding, Psycho dans le rôle de Lila Crane, Hannibal dans le rôle de Clarice Starling, Hunger Games, La Révolte partie 1 et partie 2 dans le rôle de la présidente Alma Cohen, dans Still Alice dans le rôle du docteur Alice Holland, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice, vue également dans Kingsman, Le Cercle d'Or ou encore la série télé As the World Turns dans le rôle de Franny Hughes. 1968, naissance de Brendan Fraser, acteur américain, connu pour son rôle de Rick O'Connell dans La Momie, Le Retour de la Momie et La Momie, La Tombe de l'Empereur Dragon, vu également dans les Looney Tunes Passe à l'Action, G.I. Joe, la série télé Scrubs. Depuis 2018, il joue dans la série Condor dans le rôle de Nathan Fowler. 1970, naissance de Christian Carambeu, ancien footballeur français, ayant fait carrière de 1990 à 2005. Il a joué à Nantes, club avec lequel il était champion de France en 1995. Ensuite, il a joué pour le club de Sampdoria, pour le Real Madrid, avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en 1998. Il a joué également pour le club de Millsbrug, l'Olympiakos, le Servette FC. Et il a terminé sa carrière en jouant à Bastia et avec l'équipe de France. Il est champion du monde 98 et champion d'Europe 2000. 1972, naissance de Sébastien Roch, comédien français connu pour son rôle de Christian dans Hélène et les garçons, Les vacances de l'amour et Les mystères de l'amour. Vu également dans Sous le soleil, SOS 18 ou encore Profilage. 1973, naissance d'Olly-Marie Combs, actrice américaine, vue au cinéma dans Né un 4 juillet, Ocean's 11, à la télé dans Un drôle de shérif, Charmed, dans le rôle de Piper Halliwell, où elle a été productrice de la série à partir de la 5e saison, vue également dans la série Pretty Little Liars, dans le rôle d'Ella Montgomery, ou encore le téléfilm Une célibataire à New York, dans le rôle de Natasha Nutley. 1974, naissance de Marie Drucker, journaliste animatrice télé française. 1985, naissance d'Amanda Seyfried, actrice américaine vue dans Lolita malgré moi dans le rôle de Karen Smith, American Gun, Mamma Mia ainsi que Mamma Mia, Here We Go Again dans le rôle de Sophie Sheridan. En 2012, dans Les Misérables dans le rôle de Cosette, vue également dans Ted 2, la série télé As the World Turns dans le rôle de Lucy Montgomery et La Force du Destin dans le rôle de Johnny Stafford.

Alors, comme je vous le disais hein, en début d'émission, eh bien, cette semaine sera bien pluvieuse. En tout cas, ce sera aujourd'hui avec des températures comprises entre 10 et 11 degrés ce matin, entre 11 et 12 degrés cet après-midi. Mardi, il y aura encore de la pluie avec quelques éclaircies. Normalement, des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés pour demain après-midi. Et mercredi devrait être une journée avec des éclaircies, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin. Entre 7 et 8 degrés, prévu pour mercredi après-midi. Allez, on file à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Oui, c'est vrai que comme tous les lundis matins, eh bien, on a pas mal de choses à raconter. Et on va commencer avec du handball féminin, avec l'Euro. Et la France s'est imposée hier face à la Slovénie, 21 à 30. Ça y est, les Françaises ont lancé leur Euro. Et demain, il faudra affronter le Monténégro. Un mot de biathlon, ça y est, la Coupe du Monde a repris. C'était hier, hein, la première manche de Coupe du Monde à Pokljuka en Slovénie. C'était les relais. Tout d'abord, le single mixte. La France a terminé quatrième avec Anaïs Chevalier et Antonin Guigona qui ont terminé derrière la Norvège, l'Autriche et l'Ukraine. Et le relais mixte composé d'Anaïs Bescon, de Justine Brezaz, de Martin Fourcade et de Simon Détieux, eh bien, a terminé à la première place devant la Suisse et l'Italie. Même si Martin Fourcade n'était pas au mieux de sa forme sur les skis, eh bien, il a été le patron, en tout cas sur le pas de tir. Et il a notamment fait flancher le Finlandais qui était juste devant lui hein, au pas de tir. Un petit mot sur l'IBU Cup où ça s'est bien passé pour nos Français ce week-end avec samedi sur le deuxième sprint. La victoire d'Aristide Beg. Simon Fourcade s'est classé 18e. Hier, c'était la poursuite. Nouveau podium pour l'équipe de France avec la troisième place de Martin Perilla-Bottonnet. Aristide Beg a terminé 9e. Simon Fourcade à 16e. Un mot de basket. Tout d'abord avec l'équipe de France masculine qui s'est imposée vendredi en République tchèque 65 à 79 et composte ainsi son ticket pour la Coupe du Monde en Chine. Et du côté de chez nous en National 3, Mirecourt s'est imposé face à Saint-Dizier 69 à 60. Allez, on parle football avec les résultats de la Ligue 1 et ce week-end, eh bien, c'était plutôt match nul. Match nul de partout entre Lille et Lyon. Match nul un partout entre Angers et Caen. Match nul zéro partout entre Guingamp et Nice. De partout entre Toulouse et Dijon. Et hier soir, de partout également entre Bordeaux et le Paris Saint-Germain qui, eh bien, ça y est, hein, connaît enfin la fin de sa série de victoire. Saint-Étienne s'est imposé 3-0 face à Nantes. 3-0 également pour Nîmes face à Amiens. Montpellier s'est imposé 2-1 à Monaco. Et enfin, Strasbourg s'est imposé 4-1 à Rennes. En Ligue 2, Nancy s'est imposé 2-1 à Orléans et Metz a fait match nul 1-1 à Grenoble. Demain, Nancy se déplacera à l'AC Ajaccio et Metz recevra le Red Star. En National 2, victoire d'Épinal à Sedan 1-0. En National 3, victoire de Raon l'étape 3-1 face à l'équipe 2 de Strasbourg. Et en revanche, défaite de Thaon-les-Vosges 2-0 à Sarreguemines. Et ce week-end avait lieu le tirage au sort des éliminatoires pour l'Euro 2020. La France sera dans le groupe H aux côtés de l'Islande, de la Turquie, de l'Albanie, de la Moldavie et de Andorre. Pour les autres, dans le groupe A, il y aura l'Angleterre, la République tchèque, la Bulgarie, le Monténégro et le Kosovo. Dans le groupe B, on retrouvera le Portugal, l'Ukraine, la Serbie, la Lituanie et le Luxembourg. Le groupe C, il y aura le Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande du Nord, l'Estonie et la Biélorussie. Groupe D, Suisse, Danemark, R, Géorgie et Gibraltar. Groupe E, Croatie, Pays de Galles, Slovaquie, Hongrie, Azerbaïdjan. Groupe F, l'Espagne, la Suède, la Norvège, la Roumanie, les îles Féroé et Malte. Groupe G, Pologne, Autriche, Israël, Slovénie, Macédoine et Lettonie. Le groupe I, Belgique, Russie, Écosse, Chypre, Kazakhstan et Saint-Marin. Et groupe J, Italie, Bosnie-Herzégovine, Finlande, Grèce, Arménie et Liechtenstein. Voilà donc pour la composition des groupes pour ces éliminatoires hein, pour l'Euro 2020. On va pas se le cacher, la France a quand même un bon groupe. Hein, devrait terminer dans les deux premiers. Hein, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Allez, on termine cette actu avec du hockey en Détroit. 9 matchs, 9 victoires pour les Spinaliens qui se sont imposés 8-0 samedi soir face à l'équipe de Boulogne-Billancourt. Et voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Soprano et le titre Cosmo. Soprano sur RGM, il est presque 8h55 et on va faire un point bien sûr les émissions qui vous attendent aujourd'hui à 9h, rediffusion de Clip Clap, on tourne. 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien. 15h, salut les 60 avec Gérard. 18h, l'heure des loups avec Lou, consacrée à Hervé Sevrin, coach en développement personnel. 20h, le calendrier de François et nous, eh bien, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.